Chapitre 25e. Le lendemain matin, à 8 heures, David attendait Madame Bastien dans le salon d'études. Elle y arriva bientôt. « Bonjour, madame, » lui dit le précepteur. « Eh bien, Frédéric ?»« En vérité, monsieur David, je ne sais si je dois m'en réjouir ou m'alarmer, car cette nuit, il s'est passé une chose si étrange. »« Comment cela, madame ?» Accablé par les émotions de la soirée d'hier, je dormais d'un de ces sommeils profonds et lourds dont le réveil même vous laisse pendant quelques moments dans une torpeur accablante et vous donne à peine la conscience de ce qui se passe autour de vous. Soudain, il m'a semblé que, réveillé à demi, je ne sais par quelle cause, je voyais confusément, à la lueur de ma lampe, Frédéric penché sur mon lit. Il me regardait en pleurant et me disait « Adieu, mère, adieu ». Je voulus lui parler, faire un mouvement, mais l'engourdissement contre lequel je luttais m'en empêcha pendant quelques moments. Enfin, après un dernier effort de ma volonté, je m'éveillai tout à fait. Frédéric avait disparu. Encore tout étourdi, je me demandais si cette apparition était un songe ou une réalité. Après une hésitation de quelques secondes, j'allai chez mon fils. Il dormait ou feignait de dormir profondément. Dans le doute, je n'osais le réveiller, ce pauvre enfant. Il dort si peu maintenant. Et ce matin, madame, lui avez-vous parlé de l'incident de cette nuit ? Oui, mais il a eu l'air si sincèrement surpris de ce que je lui disais. Il m'affirmait si naturellement qu'il n'avait pas quitté sa chambre que je ne sais plus que penser. Ai-je été dupe d'une illusion ? Dans mon incessante préoccupation de Frédéric, aurais-je pris un rêve pour une réalité ? Cela se peut. Cependant, il me semble encore voir la figure de mon fils baignée de larmes, entendre sa voix oppressée me dire « Adieu, mère, adieu ». « Mais pardon, monsieur, » dit Madame Bastien d'une voix altérée en portant son mouchoir à ses yeux. « Le seul souvenir de ce mot adieu me fait mal. Pourquoi ces adieux? Où veut-il aller? Rêve ou réalité, ce mot, malgré moi, m'inquiète. »« Calmez-vous, madame, » dit David après avoir attentivement écouté Madame Bastien. « Je crois, comme vous, que l'apparition de Frédéric a été une illusion produite par la tension continuelle de votre esprit. » 1000 exemples attestent la possibilité de pareilles hallucinations. Mais ce mot, adieu. Ah, je ne puis vous dire le serrement de cœur qu'il m'a causé, le noir pressentiment qu'il me laisse encore. De grâce, madame, n'attachez pas d'importance à un rêve. Je dis rêve parce qu'il est difficile d'admettre la réalité de cet incident. À propos de quoi, Frédéric serait-il venu pleurer à votre chevet et vous faire ses adieux pendant votre sommeil? Comment voulez-vous qu'il pense à vous quitter? Où peut-il aller maintenant que notre double surveillance compte chacun de ses pas? Il est vrai, monsieur David, et pourtant... De grâce, rassurez-vous, madame. Et d'ailleurs, vous m'aviez dit, je crois, qu'en dehors de cet incident, vous ne saviez si vous deviez vous réjouir ou vous alarmer, et cela pour quelle cause? Ce matin, Frédéric m'a paru calme, presque content. Il n'avait plus l'air abattu. Il souriait. Et comme par le passé, il m'a embrassé avec une tendre effusion, me suppliant de lui pardonner les chagrins qu'il m'avait causés, et me promettant de faire tout au monde pour me les faire oublier. Aussi, en rapprochant de vos rassurantes paroles d'hier ce langage si nouveau de la part de mon fils, et l'espèce de satisfaction que je lisais sur ses traits, j'aurais dû me trouver heureuse, bien heureuse. En effet, madame, et pourquoi vous alarmer? Ce revirement soudain, qui coïncide merveilleusement avec mes espérances, avec mes projets, doit au contraire... David fut interrompu par l'arrivée de Frédéric. Celui-ci, toujours pâle, mais le front serein, la bouche souriante, s'avançant vers son précepteur d'un air ouvert, lui dit avec un mélange de déférence et de cordialité, « Monsieur David, j'ai à vous demander votre indulgence et votre pardon pour un pauvre garçon à moitié fou, qui, lors de votre arrivée ici... vous a dit des paroles dont il eût rougi s'il avait eu conscience de ses idées et de ses actions. Depuis cette époque, ce pauvre garçon s'est montré moins grossier, mais il est resté impassible devant les 1000 témoignages de bonté dont vous l'avez comblé. De tous ses torts, il se repent. M'accordez-vous sa grâce ? De tout mon cœur, mon brave enfant, répondit David en échangeant un regard de surprise et de bonheur avec Madame Bastien. Merci, monsieur David, répondit Frédéric en serrant avec émotion les mains de son précepteur entre les siennes. « Merci pour ma mère et pour moi. »« Ah, mon enfant, » dit vivement Madame Bastien, « je ne puis te dire combien tu me rends heureuse. Nos mauvais jours sont donc finis. » Oui, mère, et ce n'est plus moi qui, je te le jure, te causerai tes chagrins. Mon cher Frédéric, dit David en souriant, vous savez que je ne suis pas un précepteur comme un autre et que j'aime prendre les champs pour salle d'étude. Le temps est assez beau ce matin, voulez-vous que nous sortions ? Frédéric tressaillit imperceptiblement, puis il reprit aussitôt, je suis à vos ordres, monsieur David, et se retournant vers madame Bastien, adieu, mère, dit l'adolescent en embrassant la jeune femme. Il est impossible de rendre ce qu'éprouva madame Bastien en entendant ces mots, adieu, mère, ces mots qui, la nuit précédente, illusion ou réalité, avaient retenti dans son cœur comme un funeste pressentiment. Marie crut aussi remarquer que son fils faisait, pour ainsi dire, durer cette fois ses baisers plus longtemps que de coutume, et que sa main qu'elle tenait frissonnait dans la sienne. L'émotion de la jeune mère fut si vive que ses traits devinrent d'une grande pâleur. Elle s'écria malgré elle avec un accent d'effroi. « Mon Dieu, Frédéric, où vas-tu ? » David n'avait pas quitté madame Bastien des yeux. Il devina tout et lui dit de l'air le plus naturel du monde, quoiqu'en appuyant sur certains mots avec intention. Eh, mais madame, Frédéric vous dit adieu parce qu'il vient se promener avec moi. Sans doute, mère, ajouta le jeune homme frappé de l'émotion de madame Bastien et jetant sur elle à la dérobée un regard inquiet et pénétrant. Ce regard, David le surprit tout en faisant à madame Bastien un signe expressif qui semblait lui dire « Qu'avez-vous à craindre? Ne suis-je pas là ?»« Il est vrai, mes craintes sont folles, » pensa madame Bastien. « Monsieur David n'est-il pas avec Frédéric ?» Tout ceci s'était passé en bien moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire. Le précepteur, prenant Frédéric sous le bras, dit à madame Bastien en souriant « Il est probable, madame, que notre classe en plein champ durera jusqu'au déjeuner. Vous voyez que je suis sans pitié pour mon élève. Je vais vous le ramener harassé de fatigue. » Madame Bastien ouvrit la porte vitrée qui donnait de la salle d'études sous la futaie. David et Frédéric sortirent. L'adolescent évita de rencontrer de nouveau le regard de sa mère. Longtemps, la jeune femme resta rêveuse et attristée au seuil de la porte, les yeux attachés sur le chemin que son fils et David avaient pris. « Je vous laisse le choix de notre promenade, mon cher enfant, » avait dit David à Frédéric lorsqu'ils furent sur la lisière de la futaie. « Oh mon Dieu, monsieur David, peu importe, » répondit simplement Frédéric. « Mais puisque vous me laissez le choix, je vais vous conduire d'un côté que vous ne connaissez peut-être pas. Tenez, vers ce bouquet de sapins que vous voyez là-bas au faîte de la colline. En effet, mon enfant, je ne suis pas encore allé de ce côté, » dit David en se dirigeant avec son élève vers le but de leur promenade. De plus en plus surpris de l'étrange coïncidence de ses espérances avec le revirement soudain qui semblait se manifester chez le fils de madame Bastien, David l'observa attentivement et remarqua qu'il tenait presque toujours ses yeux baissés, quoique par un mouvement presque involontaire, en traversant la futaie, il eut, par deux ou trois fois, tourner la tête derrière lui pour regarder sa mère tant qu'il put la voir au loin, à travers les éclaircies des grands arbres, debout au seuil de la porte. Après quelques minutes d'examen, David reconnut que le calme de Frédéric était fin. Une fois hors de la présence de sa mère, le jeune homme, d'ailleurs incapable de se contraindre longtemps, redevint soucieux et visiblement préoccupé. Ses traits se contractaient parfois et prenaient alors, si cela peut se dire, une expression de sérénité navrante dont David s'inquiéta. En effet, afin de ne pas effrayer madame Bastien, il avait tâché de la persuader que l'apparition de Frédéric durant la nuit précédente était un rêve. Mais David ne pensait pas ainsi. Il regardait comme une réalité les adieux nocturnes de Frédéric à sa mère endormie. Cette circonstance, jointe à ce qu'il observait à l'heure même, lui fit craindre que le brusque changement de son élève ne fût joué et ne cacha quelque funeste résolution. « Mais, heureusement, pensait David, je suis là. » Lorsqu'ils eurent quitté la futaie, Frédéric prit un chemin gazonné à travers les guérets qui, laissant à droite la forêt de Pontbriand, se dirigeait vers la crête d'une petite colline au sommet de laquelle on apercevait cinq ou six grands sapins isolés. « Mon cher enfant, » dit David au bout de quelques instants, « je suis d'autant plus heureux des paroles remplies d'affectueuse confiance que vous m'avez adressées ce matin, qu'elles ne pouvaient venir plus à propos. Pourquoi cela, monsieur David ?» Parce que, fort de cette confiance et de cette affection que j'avais tâché de vous inspirer jusqu'ici, je pourrais entreprendre avec vous une tâche qui d'abord semble bien difficile. Et cette tâche, quelle est-elle? Vous rendre aussi heureux que vous l'étiez autrefois. Moi? S'écria involontairement Frédéric. Oui. Mais, reprit Frédéric en se contraignant, je ne suis plus malheureux. Je l'ai dit ce matin à ma mère. Le malaise que je ressentais et qui m'avait aigri le caractère s'est dissipé presque tout à coup. D'ailleurs, M. Dufour avait annoncé à ma mère que cela finirait ainsi. Vraiment, mon enfant, vous n'êtes plus malheureux. Vos chagrins ont cessé. Vous avez le cœur libre, content, joyeux comme autrefois. Monsieur. Hélas, mon cher Frédéric, la droiture de votre cœur vous empêche de dissimuler longtemps la vérité. Oui. Quoi que vous ayez dit ce matin à votre mère pour la rassurer, vous souffrez encore à cette heure. Vous souffrez autant et peut-être plus que par le passé. Les traits de Frédéric se contractèrent. La pénétration de David l'atterrait, et pour éviter ses regards, il baissa les yeux. David l'observait attentivement. Il continua. Votre silence même me prouve, mon cher enfant, que cette tâche que je me propose, vous rendre heureux comme par le passé, est encore à remplir. Vous vous étonnerez sans doute de ce que je n'ai pas essayé de l'entreprendre plus tôt. La raison en est simple. Je ne voulais rien tenter sans une certitude absolue. Et c'est d'hier seulement que ma conviction est formée sur la cause du mal qui vous accable, qui vous tue. Cette cause, je la connais. Frédéric frissonna d'épouvante. Cette épouvante mêlée de stupeur se peignit dans le regard qu'il jeta, malgré lui, sur David. Puis, regrettant d'avoir trahi son impression, le jeune homme retomba dans un morne silence. « Ce que je vous ai dit, mon enfant, vous étonne. Cela doit être, reprit David, mais, ajouta-t-il d'un ton de tendre reproche, pourquoi vous effrayez de ma pénétration? Lorsque notre ami, le docteur Dufour, vous a guéri d'une maladie presque mortelle, n'a-t-il pas dû, pour combattre sûrement votre mal, en connaître la cause? » Frédéric ne répondit rien. Depuis quelques instants, et à mesure qu'il s'approchait, ainsi que David, du fait de la colline où l'on voyait quelques sapins disséminés, le fils de Madame Bastien avait de temps à autre jeté un coup d'œil oblique et inquiet sur son compagnon. Il semblait craindre de voir déjouer un projet qu'il méditait depuis qu'il avait quitté la maison de sa mère. Au moment où il finissait de parler, David remarqua que le chemin aboutissant à la crête de la colline se changeait en un étroit sentier longeant le bouquet de sapins, et que Frédéric, par un mouvement de déférence apparente, s'était un instant arrêté, comme s'il n'eût pas voulu prendre le pas sur son précepteur. Celui-ci, n'attachant aucune importance à cet incident, si naturel et si insignifiant d'ailleurs, passa le premier. Au bout de quelques instants, il lui sembla ne plus entendre Frédéric marcher derrière lui. Il se retourna. Le fils de Madame Bastien avait disparu.